Le homepage internet Le Front du Salut National fait savoir que le porte-parole du comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a publié le 17 une communication qui dit, entre autres, « Les masses populaires de toutes les couches sont tenues de lutter activement avec l'esprit et l'ardeur d'avoir destitué résolument Pakounet pour rendre nulles toutes les lois fascistes et vicieuses antipopulaires destinées à ressusciter la dictature rénovée poursuivie par le régime de Pakounet, la politique de confrontation fratricide scélérate, les accords et conventions de nature traîtresse et pour liquider les abus des forces conservatrices pro-américaines. » Elles sont appelées à porter plus haut le flambeau violent de la résistance pan-nationale pour mettre sur pied une société nouvelle exempte des forces extérieures, de la dictature et des vices et corruptions, dont le maître et les masses populaires, et pour édifier un monde réunifié, paisible et prospère.